12-23, observation, pouvoir, présent de l'indicatif. Infinitif, pouvoir, je peux, tu peux, il peut, ils peuvent. Nous pouvons, vous pouvez. Notez que le radical de l'infinitif est « pouve » et la terminaison est « voir ». Le radical de l'infinitif se retrouve à la première et à la deuxième personne du pluriel. Pouvons, pouvez.